On va parler de la NCAA et de la NFL avec notre ami Hugues Fouché du site internet lebetsnfl.com. Salut Hugues! Salut Denis, ça va bien? Ça va très très bien Hugues. D'abord, on va commencer comme on commence toujours avec la NCAA. Le match de la fin de semaine, c'était Indiana contre Ohio State. Présenté à midi en passant, hein. C'est quand même surprenant pareil. Je me serais attendu aux heures de grande écoute, mais moi quelqu'un m'a dit sur les médias sociaux que les heures de grande écoute sur Fox, c'est midi. On met les meilleurs matchs à midi. Tu savais-tu ça? Non, ben, je pensais que c'était plus en soirée, mais effectivement, il y a souvent des bons matchs à midi, par exemple. Oui, tout à fait. Et ça, c'était le meilleur match de la fin de semaine, effectivement. Mais écoute, un match difficile quand même pour Fields, pour le carrière Justin Fields, mais c'est quand même Ohio State s'en est sorti avec une victoire quand même. M'a dit que Ohio State a travaillé fort pour aller la chercher. Celle-là, c'est un très bon match, meilleur match de la fin de semaine. On peut dire ça comme mais, ça. Indiana n'a jamais été vraiment dans le match, par exemple. Non. Par contre, malgré. Même le score 42-35, là, je peux vous dire que j'ai écouté le match, j'ai écouté au différé. Puis moi, ce que je voulais voir, c'était ce match-là. Puis Fields a été encore une fois, pas Fields, mais Indiana n'a jamais été vraiment dans le match. Non, mais dans ce match-là, écoute, ça montre la force de l'équipe de Ohio State parce que Fields a lancé 3 interceptions, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et 3 interceptions juste comme ça, là, ça égale son total en carrière jusqu'à date. Donc, l'année passée, il avait lancé 3 interceptions. Cette année, il n'en avait pas lancé. Là, il en a lancé 3 dans le même match. Mais, écoute, Indiana a certainement fait quelque chose de correct en défense. Moi, ce que j'ai remarqué, là, je vais être bien honnête avec toi, là, de mon œil de fan, là, je veux pas. Mais c'est que j'avais l'impression que la défense d'Indiana, il mordait pas aux feintes de Justin Fields. Donc, quand Fields essaye de... Il est bon, Fields, pour manipuler le demi de sûreté, faire croire qu'il va aller à gauche, revenir au centre. Mais là, tout le monde restait discipliné, puis il est tombé dans le panneau de lancer quand même dans des couvertures trop serrées, puis il s'est fait intercepter. C'est que le petit gars a seulement 20 ans, même pas. C'est qu'il... J'espère qu'il lui reste encore des choses à améliorer, sinon la vie va être plate pour lui. Alors, c'est quelque chose qu'il va devoir travailler. Mais il a quand même été capable de faire la différence quand c'était le temps, puis c'est pas déconcentré, c'est un bagarreur Justin Fields, moi je l'aime beaucoup, puis je le repêcherai dans le top 5 du prochain repêchage là, sans même hésiter. Ok, ben d'ailleurs on va peut-être en parler à la fin de la... Hey, puis moi je suis découragé, puis ma grande découragée en fin de semaine, c'est que Michigan a gagné, mais ça a tout pris contre Roger. Quand je dis tout prix, ça a tout pris, il fallait que McManera arrive au poste de corps et change la donne. Oui. Ça n'a aucun sens ce qui se passe avec Michigan. Écoute, ils ont perdu 10 joueurs pour la NFL, 10 joueurs pour le repêchage et ainsi de suite, là, les joueurs qui ont passé. Sauf que ça n'excuse pas quand même leur rendement cette année. Là. Non, écoute, c'est une université qui est pleine de prospects 4 étoiles puis 5 étoiles. Là. Il y a beaucoup de bons prospects qui vont là, alors il n'y a pas de raison. Ils devraient être capables de remplacer leurs joueurs qui partent. Honnêtement, là, c'est effectivement pas excusable. On dirait que Harbaugh a perdu le contrôle de son équipe un peu. Ça va peut-être lui coûter sa job, on va voir. Mais non, écoute, semaine après semaine, il devrait que c'était... Je suis pas mal sûr. Ouais. Parce que déjà l'année passée, tu vois là, si je me trompe, il était déjà contesté, hein? Oui. Absolument, parce que on s'entend que même si c'était mieux, Michigan a pas eu les résultats qu'on s'attendait. Ouais. Tout le monde s'attendait à ce que Harbaugh amène des titres du Big Ten, or c'est pas arrivé. Sans être mauvais, il arrive pas, il est toujours un petit peu derrière Ohio State, ils sont pas capables de... Alors, il était déjà contesté, puis là, cette année, ben évidemment... tout s'écroule pour Michigan. Alors, écoute, et la question, je suis même pas sûr... Comme c'est là, comme on en parlait, c'est pas sûr qu'ils vont faire un. Non, je pense qu'il va finir l'année, mais moi, je suis pas sûr que Michigan va être. Ouais. Mais je suis pas sûr que Michigan va être dans un bowl, par exemple. Non. Surtout qu'on Roger, là, ce qui s'est passé en fin de semaine, là, c'est rien. C'est rien pour les ramener. Marc, tu me l'as dit, participer à un bowl, il faut avoir 6 victoires, donc ils ont gagné. Sauf que pour le classement, là, c'est affreux, là. Pas à aucun sens. Ah oui, non. Absolument. Une autre surprise en fin de semaine, Danny. C'est beau. Northwestern qui a battu Wisconsin. Ça, je m'attendais pas à ça du tout, moi, là. Alors, Northwestern, qui, écoute, qui sont complètement en dessous du radar. Il y a personne qui s'intéressait vraiment à eux autres, même s'ils avaient une bonne fiche. Ils étaient 4-0 avant le match. Mais on se disait, il y a un petit peu de chance là-dedans. Mais non, écoute, ils ont gagné 17-7 contre Wisconsin, donc de la grosse défense. Et puis, écoute, c'est vraiment une performance impressionnante, là, et Wisconsin tombe à 2-1. Moi, Wisconsin, c'était l'alternative à Ohio State, mais là, semble que non, ça va être Northwestern. Donc, très surpris de cette victoire-là de Northwestern contre Wisconsin. Il y avait pas une bonne saison l'année passée, Northwestern, c'était pas fort. Ils ont vraiment viré ils ont toujours des équipes compétitives quand même. C'est un programme qu'on s'intéresse pas vraiment à ce programme-là, mais ils ont toujours des équipes assez compétitives. Puis là, franchement, 17-7 contre Wisconsin, moi, c'est ma surprise. Un joueur qui a jamais été une vedette dans la NFL, mais qui avait été un joueur, me semble, candidat au Heisman, c'est Daniel Autry. Je sais pas si tu te rappelles de lui. Non, je me rappelle pas de lui. Dans les années 90 peut-être, donc c'était lui qui a joué pour... Mais je pense qu'il a joué un petit peu dans la NFL, mais rien là, rien de palpitant. As-tu d'autres surprises à mentionner ou on passe direct à la NFL? Non, juste que Florida continue son chemin. Puis juste comme ça, Kyle Trask, dont le nom est de plus en plus mentionné, pour lui, il va venir semer le chaos dans le repêchage s'il continue comme ça, là, parce que là, son nom est de plus en plus mentionné pour le Heisman, Et puis Kyle Trask a connu son pire match de l'année et de loin, il a lancé seulement 3 passes de toucher parce que Kyle Pitts n'était pas là. Son ailier rapproché vedette, c'est une farce, parce que 3 passes de toucher, c'est quand même excellent, là. Donc, mais c'était la première fois cette année qu'il lançait pas 4 passes de toucher au moins dans un match. Donc, écoute, ce gars-là connaît une saison à la Joe Burrow l'année passée. D'ailleurs, ses stats actuellement sont meilleures que celles de Burrow au même moment l'année passée. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais il connaît une saison absolument incroyable, Kyle Trask, puis Floride, qui sont présentement 6e, mais qui ont facilement gagné en fin de semaine, continuent leur chemin vers peut-être les séries éliminatoires. Ils ont juste échappé un match contre Texas A&M, c'est une erreur. Ils sont meilleurs que Texas A&M, mais ils l'ont échappé cette fois-là, ça arrive. Mais je pense qu'ils vont éventuellement dépasser Texas A&M dans les classements. Puis moi, je pense que ça va être... J'ai l'impression que la 4e place va jouer entre eux. J'allais dire Notre-Dame a battu Clemson, là, mais si Notre-Dame devait perdre le match de championnat du ACC, ça va probablement se jouer entre Notre-Dame puis Floride pour la 4e place en série. OK. On va y aller maintenant dans la NFL, ce qui s'est passé. Écoute, ce que je retiens, moi, c'est que toi, tu es cloué au banc. C'est une des grosses, c'est une des grosses nouvelles de la fin de semaine. Mon ami Tony, je sais pas ce qu'il en pense, lui, mais... Écoute, j'ai pas vu le match, mais ce qu'on me dit, c'est que la ligne, il n'était pas protégé par sa ligne à l'attaque. Non, puis il s'est blessé, hein. Alors, avant d'être sorti du match, il a été blessé. Ça avait l'air sérieux, honnêtement, là, sa jambe n'a pas plié dans le bon sens. Et il est rentré de peine et de misère. Il était prêt à retourner au jeu, mais on l'a gardé sur le banc. C'est que c'est pas complètement... il s'est pas complètement fait bencher non plus. Il y a une question de mesure de sécurité aussi, surtout que on le sait que il est sujet aux blessures, toi. Alors, je pense qu'on n'a pas pris de chance avec lui, mais de la façon que ça a sorti dans les médias, c'est vraiment qu'il a été benché. Mais pour avoir vu le match, il s'était fait blesser sur la séquence. Puis dans un premier temps, il est sorti sur blessure. Puis dans un deuxième temps, on l'a gardé sur le banc. On a dit à Fitzpatrick continue dans le fond, parce qu'on voulait pas prendre de chance non plus avec toi. C'est que c'est pas complètement non. Mais il était inefficace dans le match. Ça fonctionnait pas. Ouais, mais ça, c'est Léo Débat aussi, là. Oui. C'est une recrue. C'est une recrue. Il ne faut pas s'attendre à des... Mais tu vois, il a tellement été médiatisé parce qu'il vient d'Alabama, parce que c'était, on va se le dire, probablement que s'il n'aurait pas été blessé, s'il n'aurait pas eu des antécédents de blessure, il aurait été le premier choix repêcheur de la NFL l'an dernier. Oui. Et dans un autre temps, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que c'est un corps gaucher. Un corps gaucher, ça a toujours un petit peu une une attention particulière. Donc, c'est pour ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Le match qui était le match de la fin de semaine pour moi, c'était les Raiders contre les Chiefs. Défaite des Raiders contre les Chiefs. Dans Quel un bon match, match, hein? par contre. Sunday night. Un excellent match. Oui, ça a été un match assez fantastique. Écoute, c'était un match où la dernière équipe qui était pour avoir le ballon était pour gagner le match. T'sais, c'est ce genre de match-là. Et si ça se rendait en prolongation, l'équipe qui gagnait le tirage en prolongation allait marquer un toucher puis allait gagner le match probablement. Les deux attaques là, jouaient extrêmement bien. Les deux défensives étaient un peu débordées. Mais pas nécessairement parce que c'est des si mauvaises défensives, mais parce que c'est deux attaques qui sont vraiment excellentes. Donc, c'est un très bon match de football. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Puis encore une fois, je veux dire, la différence, honnêtement, les Raiders sont en train de se construire toute une équipe. Mike Mayock fait tout un travail, honnêtement. Mais mon Dieu, que Pat Mahomes est bon. C'est dur encore là, je veux dire, il sort Derek Carr a joué un très bon match aussi, Le meilleur corps de mais. la NFL actuellement. On dira ce qu'on voudra. Même si on parle de Russell Wilson, même si on parle Ouais. de Murray, c'est ça? Donc, Ouais. Murray également. Non, mais Ça reste que c'est le c'est meilleur Mahomes. corps. C'est Mahomes, ce Ah corps. oui. Non, non, ça, si, je vais te dire honnêtement, là, tant qu'à moi, c'est pas si serré que ça non Non, non, plus. Je veux dire, l'année passée, on parlait de Lamar Jackson, mais non. Alors, ça n'a rien Lamar a à voir, tant reculé qu'à moi. beaucoup. Lamar a reculé Ouais. énormément cette année. Aucune progression. Les défensives se sont ajoutées à lui. Et je pense que Écoute, si ce gars-là oui. s'améliore pas comme passeur, sa carrière Oui. sera pas longue. L'année passée, j'écrivais souvent, tu sais, quand on mettait Lamar Jackson, je me souviens d'avoir souvent écrit, faites attention, c'est un système gadget. On va savoir ce que Lamar vaut vraiment quand les défensives adverses vont s'ajuster à ce que les Ravens font, ce qui n'est pas le cas. Puis j'ai mangé beaucoup de mauvais commentaires avec ça, là, en me disant non, non, non, Ah c'est oui, la t'as nouvelle des haters aussi, génération. toi? T'as des haters aussi, Ah, sacrifice, oui. Alors, quand j'écris ce genre d'affaires-là, des fois, là, c'est non, non, non, non, tu comprends pas, c'est la nouvelle génération, t'es pas de ton temps, Ah, puis regarde, etc., etc. c'est ça. Mais Oui, puis quand moi, on a j'ai une juste. opinion, là, je me fais dire que je suis Oui. controversé, là. J'ouvre une parenthèse, là, pour mes opinions politiques, hein, parce que les gens qui écrivent sur Facebook savent que j'ai des opinions politiques très tranchées. Mais regarde, c'est mon opinion d'attitude. Quand on a une opinion, automatiquement, on devient controversé. Tu es d'accord avec moi? Oui, Surtout je le sais. Oui, dans les puis médias une opinion sociaux. qui va contre le Oui. courant majoritaire. Ouais. On va dire ça, et puis moi, c'est ça, quand tout le monde l'entendait, je veux bien qu'il joue bien, mais un corps qui court avant de passer le ballon, moi, je suis pas encore prêt à. T'sais, et là, écoute, cette année, il arrive un peu ce qu'on disait l'année passée, c'est-à-dire que les défensives se sont ajustées. Lamar est encore capable, c'est pas un mauvais, parce qu'il peut lancer le ballon, Lamar Jackson, mais Ah, mais c'est parce que c'est on pas rien voit de lancer le que ballon, c'est d'avoir une Non. vision, c'est d'avoir ce qu'un gars comme Tom Brady a, ce Oui. qu'un, hein? Tu sais, ce que Oui, Pat hein, puis Mahomes lui, a, c'est ce pas. que, hein? Oui. Ah, oui, c'est ça, c'est de voir. Écoute, si un receveur de libre sur le terrain, Mahomes va le trouver, c'est sûr. Brady aussi, dans le cas de Lamar, c'est pas toujours aussi Évident. évident. C'est un livre de jeu qui est simplifié, c'est du read option et ce qu'on appelle des RPOs, donc des run pass options, où il y a juste une lecture à faire. C'est-à-dire que si, exemple, le secondaire est à telle place, je garde le ballon puis je le lance. Si le secondaire est à telle autre place, je remets le ballon à mon porteur de ballon. Donc, c'est un système qui est hyper simplifié. Ça fonctionne pendant un certain temps. Mais quand les défensifs comprennent ce que tu fais à un moment donné puis qu'ils ont tes principaux jeux, ça marche plus. Ça a toujours été comme ça. On a essayé ça avec Robert Griffin Jr. Ça n'a pas marché longtemps. On a essayé ça avec Colin Kaepernick. T'sais, au-delà du genou à terre, Kaepernick, ça marchait plus à San Francisco. Toutes les défensives comprenaient ce que les 49ers C'est un faisaient. corps dans la moyenne, Donc, tout simplement. C'est un c'est ça. corps ça. Une fois que c'est passé, Mais. puis on a fait ça avec Tim Tebow aussi. Ouais. Ça a marché un temps, puis ça a pu marcher Ouais, mais après. C'est Tebow que, avait t'sais, pas de bras. Tebow non, avait pas de non, non, bras. les deux autres ont un bras. Ouais, les deux autres que j'ai T'sais. nommés, Griffin, puis ils ont des bras. Mais Pas de vision. on s'entend qu'ils ont été moins efficaces une fois qu'on a. Tu sais qu'une fois que leur système a une lecture, Ouais. fonctionne plus, c'est ce qui est en train d'arriver, sans vouloir manquer de respect, là, c'est ce qui est en train d'arriver avec Lamar. Donc, les qualités athlétiques sont là, Mais les défensives adverses ont compris ce que les Ravens font, puis c'est plus difficile. Il va falloir que soit qu'ils se... Puis moi, je pense qu'ils sont capables quand même de le faire jusqu'à un certain point, soit qu'ils deviennent meilleurs de la pochette, ou soit qu'éventuellement, ben, ça va devenir de plus en plus difficile pour lui. Tu sais, c'est un petit peu là-dessus qu'on est. Puis c'est, ça sera jamais... On joue une parenthèse, mais c'est toujours un peu la limite avec des corps athlétiques, d'où la différence avec un gars comme Kyler Murray ou Deshaun Watson, que eux sont vraiment capables de lancer de la pochette. Puis eux, t'as pas nécessairement besoin d'avoir un système de jeu gadget ou adapté à ce qu'ils font. C'est des vrais corps arrière aussi. Ils sont capables, ils sont athlétiques, mais ils sont capables de tu sais, Deshaun Watson, tu peux lui demander de gagner un match de la pochette sans courir, puis il va le faire. Lamar Jackson n'est pas capable de faire ça. Ouais. Pas pour l'instant. Ouais, ouais. Donc, par la suite, ben, il y a une grosse défaite des Buccaneers hier. Oh mon Dieu, oui. Un match serré. Des Buccaneers ouais. Hier, ça va le faire mal. Je pense qu'il y a de nouvelle c'est quoi que la blessure de Brees Hill a fait quand même pas mal fait là, dans la victoire mm-hmm. des Saints, là, mais ça va le faire mal pareil. Oui. Effectivement. En même temps, comment je peux dire, on s'entend, le match a quand même été serré, ça a quand même été un excellent match, on peut pas dire l'inverse, ça s'est décidé, mais moi, il y a une chose que je veux dire, on parlait de Lamar Jackson, mais est-ce que Jared Goff a jamais reçu le crédit qu'il méritait depuis qu'il est dans la NFL? C'est pas un grand corps arrière, mais écoute, quand il joue comme il le faisait hier, hier, il était très bon, Jared Goff, hein. Et tu sais, je veux dire, écoute, non, mais il n'y a pas beaucoup de passes qui étaient off-target, comme on dit, c'était dans les numéros. Et puis, ses lectures étaient bonnes, il est capable de passer rapidement à travers ses progressions. Hier, il est inconstant, il n'est pas toujours comme ça. Mais hier, il a joué encore, puis c'était en prime time, puis il a joué un grand match, puis pourtant, on hésite beaucoup parce qu'il y a eu un début de carrière difficile. Ça, c'est là que je vais en venir. Parce que son début de carrière, par exemple, on a tout pris pour acquis au début que Carson Wentz était meilleur que lui. OK? Là, la carrière de Wentz s'en va vers le bas, puis celle de Goff s'en va vers le haut. Mais tout le monde au début avait assumé que c'était une erreur de prendre Goff au premier rang. Mais le petit gars avait juste 21 ans. T'sais, un corps arrière, là, il va arriver au sommet. On l'a vu avec Ryan Tannehill. Il va arriver à son sommet à 28-29 ans, pas à 21 ans. T'sais, c'est une position qui est plus longue à développer. On va regarder ça. Des exceptionnels comme Pat Mahomes. Ça dépend des carrières. Regarde, Aaron Rodgers a passé 3 ans derrière de Brett Favre. Ça dépend. Oui. Steve Young a passé derrière de... Oui. A passé longtemps. Après ça, tiens, il y en a plein. Oui. Là. C'est ton développement. Oui, Garoppolo, évidemment, c'est pas un grand carrière, mais oui, il y en a que c'est plus long, effectivement. Il y en a qui vont se développer. Mais à part un exceptionnel comme Pat Mahomes, là, puis encore là, je veux pas faire peur à personne, il va peut-être être encore meilleur. Smith, Pat Mahomes, si je me... Un net derrière Alex Smith, il n'a pas été directement là non plus. Là. Non, c'est ce qu'il a dit. Un, il arrivait avec une bonne équipe, puis deux, il a eu un an pour se développer. Donc, ils ont fait ça de la bonne façon. Mais quand je regarde Goff a été lancé trop vite dans l'action avec une mauvaise équipe, ça a mal été. Après ça, il a repris sa confiance, mais ce que je veux dire, c'est que le Jared Goff d'aujourd'hui, il est bien meilleur que celui de 2 ou 3 ans. Tu sais, il s'est beaucoup amélioré. Hier, je le regardais, là, puis sincèrement, il a joué tout un match. Puis je constatais que ce gars-là est tellement meilleur, mais on dirait que notre opinion est déjà faite que Goff, il est pas super bon. Mais quand il joue comme hier, je trouve qu'on lui donne pas le crédit qu'il mérite. Hier, il a été excellent. Puis oui, il y a des bons receveurs de passe, mais si je regarde, il y a Robert Woods, il n'y a pas une équipe All-Star autour de lui non plus. Les receveurs de passe que Brady avait à sa disposition étaient bien meilleurs que ceux que Goff avait. Puis pourtant, les Rams ont gagné le match parce qu'il a joué un grand match. Brady, sans être mauvais, n'a pas été extraordinaire non plus hier. Mais ça a été un bon match. Puis moi, je vais te dire que les Rams, je pense qu'il ne faut pas dormir nécessairement sur cette équipe-là cette année. C'est quand même une bonne équipe de football. Oui, effectivement. Et Joe Burrow, en terminant, qui a été blessé en fait. Est-ce qu'on le voyait venir, celle-là? Tu sais, pas de ligne à l'attaque. Ceux qui ont regardé quand même, qui ont fait l'effort de regarder les matchs, pas juste les extraits, là, qui ont eu la chance de voir des matchs, tu voyais que ça venait de tous les bords. Il se faisait frapper constamment. Il avait pas de temps pour faire ses passes. À un moment donné, honnêtement, la crainte de le voir se blesser était là chez beaucoup de fans. Puis c'est ce qui est arrivé parce qu'on l'a mal protégé. Donc, il est un peu notes, dans la hein, même... C'est les notes un petit peu pour les Jets s'ils veulent avoir Trevor Lawrence l'an prochain. Là. C'est un peu une note à prendre. T'as raison, oui. T'as un joyau entre les... T'as un carrière de concession, de ce qu'on appelle ouais. générationnel. Andrew Lawrence, puis les Jets, s'ils veulent l'avoir, ben ce sera. Puis s'ils veulent protéger leur investissement, protéger leur joyau, c'est de bien le protéger avec une bonne ligne à l'attaque. Ben oui, puis une bonne ligne à l'attaque, puis de deux, si je me trompe pas, je pense que les Bengals, c'est une des équipes qui lance le ballon le plus avec un corps recru. Donc, tu n'as pas de bonne ligne à l'attaque, tu lances quasiment sur tous les jeux. C'est que, tu sais, l'impression que j'avais à un moment donné en regardant les matchs, puis je veux pas être méchant, là, mais j'avais comme l'impression que Zach Taylor, le coach, qui est reconnu pour être un coach offensif, avait comme plus envie de protéger sa job que son corps arrière, tu sais. Démontrer, regarder comme on a une bonne attaque par la passe, puis on est en train de construire quelque chose. Sauf qu'en même temps, c'est ça, il a mis son jeune corps arrière à risque, puis... c'est regrettable parce que c'est quand même une blessure grave et ça va avoir un impact probablement là, sur la suite. Hugues, très intéressant, on se reparle vendredi pour la chronique de la NCAA. Oui, bonne semaine de l'Action de grâce américaine. Oui, oui. Hugues Fauché, notre collaborateur de la NFL et de la NCAA.